C'est pas bon, les mélanges, hein? Ben, je sais pas. Moi, là, je... Mais non, je te le dis. Reste droit. Reste droit. Pas de mélange. Ah oui, ça mélange, les mélanges. Ah, mon, ça nous met dans... Ah, ça, dans l'ambiance du fou. Ah. Tu vois? Je suis planté, planté, planté devant André Malraux qui disait « Le fou copie l'artiste et l'artiste ressemble au fou ». Là, il y a des artistes là-dedans là, qui se sont sentis choqués là, sur Facebook. Vous pouvez devenir mes amis Facebook, hein? Vous rentrez Rénal Gagné, là. RAYNALDGAGNA, accent aigu, mettez de l'espace là, entre Rénal puis Gagné. Plus il y a de l'espace, plus on est en plein possession de nos moyens. Hein? Possession de nos moyens. Moyens. Ça prend un moyen cinglé pour faire cinq espaces après Rénal Gagné. Entre Rénal puis Gagné, mais quoi que. Je t'ai dit que plus qu'il y a l'espace, ben non. Toi, t'es assez espacé. Ah, au niveau cérébral. Non, cérénal, oui. Alors, je... Non, recommence pas. Les gens l'ont compris, André Malraux. Ils savent qui est André Malraux. Puis on va creuser. On n'ira pas voir la dépouille. On dépouillera pas André Malraux. Ah, j'espère, mais amen. Amène-le pas. Amène, on veut pas le voir. On veut pas le voir. On veut l'entendre. On veut le connaître, mais on veut pas le voir. Il est mort depuis à peu près 40 ans. Là, on va le voir, ça va ressembler un peu à de la cendre de cigarette. Ou de la cendre à, comment t'appelles ça, de l'encens. On veut pas d'encens ici. On veut pas de cigarette non plus. On veut pas polluer l'atmosphère, pis on veut pas nous faire asphyxier. Pas ça l'asphyxie, nous. Nous, ben nous, qui ça, nous? Nous, les auditeurs, auditrices. Animateur, animatrice, récepteur, réceptrice, malaiseur, malaiseris, compositeur, positrice, positoire, positrice, positoire, et cistrice. Monsieur, qu'est-ce que tu as fait là? Parce que j'ai eu l'élan, hein? Ah, tout un élan. C'est pas sonore, ça, là. Non, c'est vrai, c'est une émission qui est pas sonore. qui est plus que sonore. C'est un son d'Ichel, Monsieur les patrons catholiques, dames et volupté, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue. Bienvenue ce soir. Cette nuit. Cette presque nuit, ce presque soir. Là où il fait presque noir ou presque clair, où l'animateur est presque obscurément clair. Non, OK, parfait. Parce qu'à l'intérieur, la bouche veut dire quelque chose, mais c'est freiné par notre senseur ici. Non, c'est l'ascenseur. Ça monte, le mot monte, la phrase monte, mais on n'ouvre pas le corridor pour laisser évacuer l'idée. Ah oui, tu parles d'une idée? Non, oui, tu parles, hein, c'est pour ça. On appelle ça le senseur. Ah, monte dans l'ascenseur. Ah, qui monte, qui descend. Ah. Il y a des hauts et des bas dans ce travail. Oui, c'est plus de haut. Plus de haut. Pas de bas. Ben oui, des bas, mais ça sent le bas. Monsieur le Président. Ah non, il va leur dire. Monsieur le Président. Mais catholique. Il n'y en a plus de catholiques. Ben oui, hey, arrête-moi ça, toi là. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée, avec votre court-circuiteur de réalisme, Reynald Le Néant Gagné. Je vous expliquerai un jour pourquoi le néant. Hein, non, ben on veut le savoir. Plus tard, dans l'année. Dans l'année, elle finit bientôt l'année. L'année prochaine, si vous êtes gentil. On va être gentil. L'êtes-vous maintenant? Non, je ne le suis pas. Bon, OK, plus tard. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Virginia Woolf, on la connaît? Oui. Attention, mesdames, mademoiselles, messieurs, Facebook veut... Qui? Facebook. Oui! Veut manipuler votre information pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Ah, mon Dieu, c'est du clonage. C'est du clonage. Ah, c'est du niaisage, clonage. Plus ça niaise, plus ça clone. Ah, mon, puis ça clone. Ah, comme George Clooney. C'est un drôle, George Clooney. Il se prend pour un clown. Ben oui, c'est clown. Ben oui, c'est... Ben, j'espère que je prends pour un clown, c'est clowné. Ben, fauche-toi pas, ben, on n'est pas fauché. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres. Veux-tu arrêter de jouer avec l'écho? Pas d'écho, un peu d'écu, il y a des écus. Deux écus, c'est quoi? Deux écus, c'est en combien? En 100 pimes? En 100 pimes, c'est 300 pimes. 300 pimes s'en vont de gueulant, pinna, pouna, poutine, 300 livres s'en vont saignant. 300 livres s'en vont te battre, pas me battre, ils vont te battre. Ils peuvent pas me battre, moi, le garde, j'ai une paire de valets. Ah, oh, mon Dieu, moi, j'ai une paire de claques. Aïe, aïe, donc. Ça fait plus mal une paire de claques qu'une paire de valets. Oh, quoique, quand as-tu des jokers? Il y a deux jokers. Deux jokers par paquet de cartes. Combien il y a de cartes? Oh, saint hey, je fais longtemps que je n'ai pas joué aux cartes. Moi, 52, 54. Non, c'est des touches de piano. Comment ça, des touches de... 88 touches de piano. Ah! Combien de touffes de poêle? 88 touches de piano et 150 millions de touffes de poêle. Ah, mon Dieu! Après mon chat? Non, c'est après le... Comment t'appelles ça? Pas un fox terrier, des petits... Un bichon maltais. Pas le bichon! Oui, le bichon à Madame Bichon. Ah, mon Dieu! Elle est heureuse de l'avoir. Ah, c'est... Avec ça, elle fait pas de ménage. Elle laisse son bûchon. Oh mon Dieu, va-tu? Ah oui, elle laisse son bûchon. Ah! Elle rentre dans sa bouteille, met le bûchon, laisse le bûchon dans le bûchon. Le bûchon est dans le bûchon, le bûchon est dans le bûchon, le bûchon est dans le bûchon. Bon. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons. Puis là, il y a une touffe de poêle qui ne veut pas rentrer dans le bûchon de la bouteille. Ben pourquoi? Ben la bouteille n'est pas encore vide. Ben voyons donc, vide ta bouteille. Ah mon. J'ai pu vider ma bouteille, on dirait que j'ai plus soif. Mais non, mais vide-la dans le levier. Puis, ben, crois-tu que je vais vider ça dans le levier? C'est du Chamberting. Oh non, du Chamberting 97. Tous les spécialistes de Chamberting, tout spécialiste voudraient pas jeter ça, voyons. Ben oui, mais on va mettre ça dans un verre, ben ça va s'évaporer. Insignifiant. Mets du Chamberting toi, dans un verre, tu vas voir, ça sentira plus. Ça aura plus de la masse gustative que ça mérite. Ben voyons, c'est quoi du Chamberting? Du Chamberting, tu connais pas de Chamberting? Ben non. Hey, tu m'inventes encore. Mais non! Parce que t'es un ignorant, avoue-le. Ben avouez, c'est qu'est-ce que du Chamberting? Hey, le public le sait, lui. Pas besoin de prendre du temps pour te raconter si t'es un ignare, là. Continue à balbutier, là. Sens-toi comme le crapaud. Ou la crapaud, non, mon crapaud, rampe. Un crapaud, ça rampe pas, ça saute. Ben, toi, tu vas ramper comme le serpent. Ben, je suis pas un crapaud, je suis un serpent. Tu m'as dit un crapaud. Hey, ouais. N'importe quel animal qui rampe, là, qu'est-ce qui rampe, là? Il y a l'homme qui sait pas ce que c'est qu'un Chamberting. Ben, voyons. J'ai jamais entendu parler de ça, Chamberting. Regarde sur Internet, regarde Internet, comment ça fonctionne. Moi. Comment je peux regarder Internet? C'est quoi Internet? C'est du cybernétique. Ben oui, regarde ça du cybernétique. Qu'est-ce que ça fait du cybernétique? Ça fait du savoir. Ça fait de la... Non, ça fait du temps perdu. J'ai jamais vu ça, moi, de regarder Internet. Je peux regarder l'écran de mon ordinateur qui, elle, est branché sur un réseau Internet. Hey, il est emmerdant. Du Chamberting, ben oui. Alors, c'est pas ça, mon bouchon est dans le Chamberting. à moitié plein dans le Chamberting. Je suis positif, moi, c'est pas à moitié vide, c'est à moitié plein. Dans le Chamberting, mais essaye de mettre le bouchon, le poil du bichon. Ah ouais, dans le bichon, la michon. Ah ouais, j'essaye, puis là, le chien, hein, il veut pas rentrer là-dedans. On le blesse pas, il aime ça. Ben voyons. Ben oui, ça. Quand il fait chaud, là, ça le désaltère. Ben oui, c'est. Est-ce que. Chamberting, est-ce que c'est pour les bichons? C'est pour tous les chiens, là. Ben oui, pourquoi t'en bois? Ben c'est ça, je t'ai dit, c'est pour tous les chiens. Ben t'aimes ça, le Chamberting? Oui. Hey, après 3-4 verres, le Chamberting. Ahou! Ben ça, même. Mets ça dans l'écho. Ahou! Ben ouais, hein, ça, on sent le Chamberting. Hey, arrête de le mentionner et dis-nous ce que c'est. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Rénal Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 2 décembre 2011, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Je lis même pas, je récite. Oh, comme un poème, comme un vrai. Ouais, comment tu s'appelles, non? Jean de la Pompaine. Ah! Oh. Il y en a eu beaucoup de tristesse, lui, Jean de la Pompaine. Oh. Tout le temps pleuré dans sa vie, lui. Oh. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la dramaturge et dessinatrice Dorothée de Monfray. Dorothée de Monfray est une illustratrice et écrivaine française née en 1973 à Paris. Diplômée de... Ah ben, faut pas dire l'année, ça va dire son âge. Elle est jeune. À sa voix, là, vous vous direz sans doute, c'est une adolescente. Ah, c'est une adolescente. Mais là, 73, une adolescente, bon, 73, une adolescente, ben voyons. Hey, quand tu fais dans la jeunesse, là, tu restes un éternel t'enfant. Éternel t'enfant, la liaison t'enfant. Il me semble que ça ne se lit pas. Ben voyons. Éternel enfant. Bon, OK. Alors, diplômée des arts décoratifs de Paris, elle a écrit et illustré plusieurs ouvrages pour les éditions L'École des loisirs, dont la collection Des cocos. Oh, on en connaît un coco! Il est rendu dans le show, lui, là. Alors, elle est aujourd'hui à la fois auteure, illustratrice et graphiste dans l'édition. Elle a participé à l'aventure de la revue Capsule Cosmique. Et ça me ressemble, ça. Capsule Cosmique. Mais ça, c'est-tu le bouchon, là, pour le bouchon maltais? Et presque ça. Depuis 2000, Dorothée de Monfray se consacre exclusivement à l'écriture et l'illustration d'albums pour les enfants. Elle s'est aussi prise de passion pour le ukulélé. Hey, ukulélé. Ça, c'est une guitare là, que tu as lavée à l'eau chaude et qui a rapetissé. Plus elle est rapetissée, plus c'est un ukulélé. Ben non, ça a des grandeurs, un ukulélé. Ben, qu'est-ce que tu connais? Regarde. Tring! Ça, c'est un ukulélé. Tring! Une guitare, c'est... Tring! Tring! Ukulélé. Tring! Guitare. Guitare. Tring! Ukulélé. Tring! Guitare. Tring! Ah, c'est vrai, il y a une différence dans la corde. Pas de corde, pas de ukulélé. Ben ouais, mais pas de corde, pas de guitare non plus. Hé, hey, toi, une guitare peut avoir pas de corde. Ben ouais, c'est ça, ben ouais. Alors, aujourd'hui, son ukulélé ne quitte plus sa table à dessin et apparaît régulièrement dans ses livres. Elle travaille et vit à Paris et Hérence Reynaldienne rencontra la créatrice en juillet 2011. Et aujourd'hui, nous partageons avec vous cet instant privilégié. Je ne l'ai jamais écrit privilégié, mais je vous le dis parce que c'était vraiment exceptionnel. Un voyage chargé pour cette nuit automnale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous envoûter? Oui, alors place aux mots, place au lyrisme rénadien et place à la musique. Tiens, la couche de dépôt de jus d'abricot sur le rebord du verre cache la trace de mes lèvres graisseuses. J'aime bien le jus d'abricot, c'est très épais, c'est très beau. Quand on verse le jus d'abricot, il faut faire attention de ne pas toucher les parois du verre. J'aime bien le jus d'abricot, c'est généreux, c'est très beau, mais c'est toujours pareil, il est quand même meilleur quand on le fait soi-même. J'aime bien le jus d'abricot. Le boire ensuite en fine gorgée, toujours porter les lèvres au même endroit, afin d'obtenir une seule trace de jus à l'intérieur du verre. Pour amener le moins possible, éviter les intermédiaires, éliminons le verre et dégustons le jus. J'aime bien le jus d'abricot, c'est généreux, c'est très beau, mais c'est toujours pareil, il est quand même meilleur quand on le fait soi-même. J'aime bien le jus d'abricot. Exactement, exactement. Parce qu'en réalité, mon émission, c'est 60 minutes d'impro, 60 minutes de contenu musical ou sonore. D'accord. Et voilà, c'est ça. Brièvement, c'est ça. Mais tu as fait... Ouais, t'as soif, hein? Ouais, j'ai super soif. Ah ouais, ben écoute, t'as... J'ai apporté des choses... Le bouquin? Mais tu l'as, le livre, ou pas? Non. Ah ben, alors voilà. Hey, sais-tu où j'en ai entendu parler? Merci. En plus, c'est la nouvelle édition parce qu'ils ont réimprimé. Mais c'est tout, j'en ai entendu parler. Non, il est encore plus beau. Il est beau. Mais ce que j'ai vu à la télévision, il est à moitié, ça se peut, hein? À la télé, il était là. Comment ça? Ben, parce que je l'ai vu à Télématin. Oui. Ils en ont parlé à Télématin. Ouais, ouais, ouais. Mais il n'était pas dans leurs mains, donc il me semblait qu'il était plus petit. Ah bon? Il était aussi. Oui, oui, c'était comme ça, je sais pas. Ah, il est beau, hein? Ah, merci. Ben, de rien. Excellent. Et puis, ils l'ont fait bien velouter, là, la nouvelle édition. Il est joli. Oui. Hey, avant que tu arrives, il y avait des jappementiens, il y avait deux chiens qui se rencontraient. Donc, je disais, c'est pété. C'est, voilà, c'est moi qui les avais envoyés, voilà, en fait. C'est mise en scène, hein? Ouais. C'est mise en scène, mais je m'en doutais. Ouf. T'as pas trop de difficultés avec mon accent? Là, pour l'instant, tout ça okay. va. OK, ça baigne. OK. Mais si tu comprends pas quelque chose, tu me le dis. D'accord. Es-tu habitué de parler avec des Québécois? Non. OK. Ben, ça se passe bien. Je te dis, il n'y a pas eu de traumatisme, là, pas d'hospitalisation. L'ambulance n'est jamais passée, donc. Bon, ça va. J'ai chaud, mais j'ai mal à la gorge, alors. Je... Ah oui? Je préfère... Quelle belle œuvre. Et alors, j'ai apporté des carnets de croquis. OK. Ça, c'est le blog. Je sais pas si tu as vu. Oui, j'ai vu le blog. Donc, c'est le carnet dans lequel je dessine le blog. Ah, je croyais que c'était fait directement à l'ordinateur. Non, je dessine à la main. Ce qui Est-ce que je peux regarder? Non, bien sûr, ça fait beau. Et ça, c'est mes carnets de croquis. Mes carnets de croquis de travail, quoi. Où il y a des esquisses. Mais il ne sera jamais publié, celui-là? Je sais pas, c'est des petits strips que je fais comme ça. Si quelqu'un veut le publier, je serais ravie, mais bon, c'était pas ça le but au départ. Ça me prend un peu trop de temps, alors je sais pas si je vais garder le même rythme. Mais là, tu as une formation de... Premièrement, là, je sais très bien que c'est Dorothée, mais ton nom, je vais pas l'écorcher. De Montfred. De Montfred. Ouais. Et ça vient de... Ça vient de... on sait pas, parce qu'en fait... On sait pas. J'ai okay. un arrière-arrière-grand-père qui était un enfant illégitime. OK. Et donc, sa mère a pris ce nom pour le donner à l'enfant, mais le nom n'existait pas avant. Ah! Voilà. Alors, c'est unique. C'est unique, il n'y a que notre famille, et oui. C'est un peu refabriqué, c'est pas un nom ancien. Ah, mais c'est bien! Voilà. Ah, c'est assez. Et on ne sait pas qui est le père de cet arrière. Alors, c'est un nom inventé. C'est un nom inventé, oui, qui a peut-être été. Mais comment vous avez le droit d'inventer un nom? Je ne sais pas comment ils ont fait. Trafiquer des noms, recoller des morceaux de noms, je ne sais pas. En quelle année? À l'époque de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. OK, arrière-arrière, c'est en 1800. Ouais, c'est ça, début 19e, je pense, 19e siècle. Ouais. Et donc, tu as vécu à Paris? Moi, oui. OK. Toujours. Tu as grandi à Paris, tu as fait tes études à Paris, les beaux-arts à Paris? Les arts déco. Les arts déco, c'est pas la même chose. Non, parce que les beaux-arts, c'est vraiment une école d'art pur. Okay. On fait de la peinture, de la théorie, du concept et tout ça. Les arts décoratifs, c'est une école d'art appliqué. Donc, les étudiants des beaux-arts considèrent que c'est beaucoup moins artistique et beaucoup plus commercial, ce qu'il ne faut pas dire aux élèves des arts déco. Mais on apprend l'illustration, le graphisme, la photo, la vidéo, ce genre de choses. C'est pas de l'art pur. Alors c'est ça que tu as eu comme formation? Moi j'ai fait ça, j'ai fait du graphisme. J'ai pas fait la section illustration parce que je trouvais qu'on n'y faisait pas grand-chose. Et vidéo? Vidéo, j'en ai pas fait non plus. Bon, okay. On peut okay. faire. Mais on toi, faire tu t'es concentré sur l'illustration? Ben, à l'école, le graphisme. Et l'illustration, je le faisais chez moi en plus. OK. Le blé pousse et les poteaux défilent. Il y a du vert partout. Et c'est pas les mêmes vers, y a des vers partout. Y a des petites maisons, et puis y en a des grandes, mais c'est pas toujours les plus grandes qui sont les plus jolies. Y a des vers partout. Il pleut dru et les vitres mouillées font les rails tordus et les arbres cassés. Mmh. it seems. So unresolved, so unredeemed. It's been so on a des... est-ce qu'ils sont là? C'est... Hey, ils s'en viennent. C'est, OK. Madame Tremblay, sortez à l'extérieur puis faites des grands signes. Hein? Regardez vers le ciel. Vous voyez l'étoile de mer? Mais non, c'est pas l'étoile... Lâche-moi ça, étoile, c'est pas l'étoile de mer, c'est l'étoile de Blouton. Non, c'est le scorpion. L'étoile de scorpion, puis il y a la grande ours, la petite ours, la sourcillon, la sourcilière, OK? Entre la sourcilière puis la grande ours, vous allez voir une source lumineuse. Parce que là, Jean-Luc, ils nous ont appelés, hein? Ils nous ont dit... Hey, champion. Oui, je sais, ils nous ont dit au micro qu'ils arrivaient. On n'est pas prêts. On n'a jamais été prêts. Je vais vous allumer. On s'en... Qu'est-ce qui va nous arriver? Ben, on va attendre. On va les accueillir. Ben oui, mais je n'ai même pas préparé ma salutation. Attendez, je vais prendre un petit crayon, un petit papier. Avez-vous un petit crayon, un petit papier? Ben non, je veux juste un crayon, un papier. Ah non, moi, il me faut un petit crayon, un petit papier. Ben là, oui, Jacqueline. Oui, Jacqueline. Oui, arrête de bailler, toi, là. Là, tout le monde est énervé, là. Il veut un petit crayon et un petit papier. Ben, moi, je veux juste un crayon et un papier. Mais non, il veut un petit crayon, un petit papier. Gisèle. Ouais, Gisèle, ouais. T'as-tu un petit crayon et un petit papier? Non. Ben, j'ai plus ça, moi, là. Je sais même plus écrire. Oh, mon Dieu, pourquoi? Ben, je fais de l'anorexie. Oh. Et puis? Ben, c'est ça. Je peux pas écrire. Depuis la semaine dernière, là, mon médecin m'a dit « Épargnez-vous l'écriture. » Le crayon pourrait me rentrer n'importe où. Mais voyons donc, oui. Rentrer n'importe où. Par les pores de la peau? Non, par les pores de l'écriture. Ah, mon Dieu. Il n'y a pas de petit crayon et de petit papier. Mais il n'y a que des crayons et des papiers. Bon, on va oublier ça. Mais oui, mais on peut pas oublier ça. Hey, je t'en viens. On le sait. Du crayon et du papier. Hey, non, arrête de broyer. Ma salutation distinguée. Comment je vais dire? Comment? Bonjour à vous. Non, c'est trop singulier. Est-ce que ça parle le français, ces affaires-là? Ben, il n'y a pas de langue. Il n'y a pas, mais voyons. Le French piss. Le comment? Le French piss. Le French piss. Êtes-vous certain que c'est ça? Avec la langue? Oh mon Dieu, la langue dans l'air, la langue en haut. Oh, je sais pas, ouais. Je suis tout mêlé. Mais là, si on regarde la grande tour, il y a une source lumineuse, là. On la voit. Non, mais la source est en haut. Attends un peu. Mais il n'y a pas de petit crayon, petit papier? Non, non, non, non. Bonjour à vous. Non, peut-être en... Oh, ben, oh, c'est comme ça. Ils vont comprendre. Est-ce qu'ils descendent, là? Ben, on voit juste une petite source. Ben, ouais. Lâche la source, amène le galon. Ouais, ouais. Le galon. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait dans ce recueil. Attends un peu. Je monte le micro puis je le sens. Oui, le sens-tu, le micro? Ah, oh, je le sens. Hey, regarde en haut! Hey, je sens bien! Oh, mon Dieu! Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil « Conte ses nouvelles ». Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. On rentre. Oh, il y a une source. Il y a la source. Hey, je sens bien. Oui, monsieur. Ben oui, ils sont même pas là. Ben oui, mais ils fonctionnent par les ondes. C'est la radio qu'on fait, c'est-tu des ondes? Ben là. C'est bien plus que des ondes, là. C'est du communautaire. Ah, ça propage plus vite. Ça propage plus loin. Ben voyons. Hey. Les ondes privées, là. C'est privé. Ah, c'est vrai. Les ondes communautaires, là, c'est pour tout le monde. Hé, hey, t'as raison. Même si les gens ne sont pas membres de CKRL, il faut qu'ils soient membres. Bien là, ils vont capter mieux, là. Mais les faux membres, ils nous entendent en mono. Ah, mon Dieu! Moi, j'ai un mono, puis on m'a... Ben, t'as pas un mono? J'ai un mono, moi. Ah, moi, j'ai le stéréo. C'est bien mieux stéréo, moi. Alors, donc... Ma pratique. J'ai la babine, pour me ramollir la babine. Elle est assez molle. Fais ton Beat Jagger. Beat Jagger. By wind and wind. C'est-tu Beat Jagger, ça? And the wind go par la pente. And the winds go. Ouais, c'est de l'écho, ça. C'est de l'écho. C'est de l'écho. Je sortais d'une période de biture qui m'avait coûté mon boulot. Hein? Goutte que gloute, la boulotte, la boulotte. Gloute que gloute, la boulotte, gigloute. Bon. Je sortais d'une période de biture qui m'avait coûté mon boulot, ma piole et peut-être ma tête. Quoique la tête était déjà un peu en bémol. Bémol dièse? Non, bémol mineur. Bémol mineur. Ben oui, moi je joue à bémol pas mal mineur. Ben pour être molle et molle. Ben, c'est presque visqueux, hein? Non, c'est liquide. Ben c'est normal. Je suis comme l'érable, moi, là. Je coule. Oh mon Dieu, coule vers le haut. Ben c'est, j'ai essayé ça dans ma vie, couler vers le haut. Je me suis noyé vers le bouchon. Ah, oh, comme le bichon maltais, comme... Excuse-moi. Comme le, ouais, comme le bichon maltais. C'est pas un rire exagéré, ça? Non. On fait pas de rire exagéré. Il n'y a rien d'exagéré. Tout est dans la norme. Ah, ben, tu as la norme décalée. Oui. C'est comme l'arrêt. L'arrêt de quoi? L'arrêt de mon cheveu est pas mal décalé. C'est, hey, tu décales tranquillement, toi? Ben voyons. Ma tête aussi. Ton cuir chevelu va avec ta tête. Ben oui. Plus de cuir chevelu, plus de tête. Ben, hey. Ben oui, on appelle ça les Indiens. Ont un nom précis pour ce genre de truc-là. Oui, c'est scalpel. Non, c'est scalpé. Oh! J'ai enlevé la calotte. Oh, mon Dieu! La calotte me lève! Coco, la calotte me lève! Oh. Alors, hey, la lumière au bout du fil. Hey, oui, on est prêt. On a trois verres d'eau, là. Mais s'ils sont 18 là-dedans, ben, hey, comment ça contient, ça? Une affaire de même? Ben, faudrait regarder sur Internet. Est-ce que c'est des mesures extraterrestres? On connaît. Ben, voyons, ben, peut-être. Peut-être des mesures extraterrestres, là. Nous autres, on a le pied. On a le pied au derrière. On a le pied. Attention, on a le mètre. On a le centimètre. On a le centipied aussi. Ah oui, il y a les centipieds. Ça pue. Hein? Oh, man. Il y a les sentinelles de l'air. Non, ça rien. Ben, quoi de. Eh, hey, ben oui! Ça se compte aux sentinelles de l'air, ça. Eh, hey, on vient de le trouver sans le vouloir. C'est ça, l'intelligence. Ben là, t'exagères un peu, là. C'est un spasme. Ben oui, c'est un spasme. L'intelligence, c'est un spasme. On sait pas comment ça va, quand ça va arriver, puis ça arrive. La création, là, t'es là devant ton papier. Moi, c'est un petit papier, un petit crayon. Ben oui, petit papier, petit crayon. Mais on est là devant quelque chose, là. Ben, moi, c'est un petit... Oui! On est là. On est là, oui, oui, tout à fait là. Je suis là. Êtes-vous là, madame? On est là, oui. Hey, ils s'en viennent. Oui, ils s'en viennent, on est là. Bon. Là, on attend. On attend quoi? Non, non, mais la portion créatrice. On a le crayon, on a le papier. Des grands, des petits, des carrés, des ronds, des cercles. Là, on mijote à 350. Des petits oignons aussi. Moi, je mets pas de champignons. J'ai ça, le champignon. C'est dégueulasse. C'est sponge. Ça n'a pas de goût. C'est... Mais des oignons, t'en mets des oignons. J'aime ça, moi, là. De l'ail. Tout ce qui est fort, là. déconstruit la papille gustative. C'est pas une papille, c'est une papille. Moi, j'ai la papille, moi. Regarde-moi le gorgoton, là. Regarde-tu, j'ai les amygdales. Hey, t'as plus d'amygdales? Non, à force de manger des oignons, là, ça a coupé ma friotine qui tient les amygdales. On appelle ça une friotine? Ben oui. Ah oui, c'est ce qui maintient la boule. Ben, les boules, moi, j'en avais deux. Deux boules? Ah, j'avais les boules. Ah, les boules ont tombé. J'amenais ça. Je croyais que c'était de la gomme. Je mâchais ça, mais à un moment donné, c'était comme visqueux. Je saignais du sang. C'était pendant le 31 de l'Halloween. J'étais déguisé en vampire. Ça fait peur, hein, ça fait. Ah oui. Puis là, je mangeais mes bonbons, mes kisses. Je faisais des French kisses. Puis, Et puis là, à un moment donné, il y avait comme du sang sur le bord de la babine qui descendait. Descend dans mon cou. Puis là, c'était comme une chaleur, mais je le voyais pas, moi, là. Mais je le sentais. Ah, ça sent bizarre. Non, je sentais dans le sens de sentir, pas dans. Pas humain, là, mais la sensation. Sentir dans le sens de sensation, pas dans le sens de olfactif. Oh! Là, j'ai resté serein. Oh, mon Dieu, je me suis envolé. Mais comme le serein. Oh, c'était beau. Ah, c'était merveilleux. Je suis monté comme l'aigle noir de Barbara. Mes amis, mes très chers amis, où avez-vous bien pu passer? Sur quelle plaine, dans quelle vallée, sur quelle montagne, sur quelle jetée? Aux amis perdus de vue, loin du cœur, loin des corps, à la vie, à la mort et au changement de décor. À la vie, à la mort, peut-être bien qu'on s'adore encore. Dans cet album-là, celui que j'ai reçu, un chien. Pourquoi le chien? Pourquoi le chien? Il y a plusieurs raisons. D'abord, je pense que c'est parce que Tony, il a des petits chiens. Et quand j'allais prendre des cours de ukulélé chez lui, il y avait toujours un petit chien qui aboyait derrière la porte quand j'arrivais. Ensuite, j'avais un copain dans mon atelier de l'époque qui était un fan de Bichon. Donc, je pense que ça me trottait dans la tête. Et puis quoi d'autre? Je voulais un petit animal petit, mignon et domestique, donc voilà, un chien quoi. Mais l'intérêt de ce petit-là, qui est tout à fait rigolo, je suis allé voir sur Internet là, des petites brides de dialogue, c'est que tu fais passer ce chien-là à travers un discours humain. Ah bah oui, parce que c'est vraiment pas du tout réaliste. Déjà, il discute avec sa maîtresse en parlant, il aboie une seule fois dans toute l'histoire, et ça paraît hyper bizarre, alors que ça devrait être le seul moment normal. C'est comme un enfant, en fait, dans l'histoire. Il a la place qu'aurait un enfant, mais pour moi, c'est plus amusant de mettre un chien déjà du point de vue du dessin parce que ça permet d'être plus libre avec le personnage et puis même ça fait des situations un peu cocasses comme au supermarché. Tout à fait cocasse. Voilà. Tout à fait cocasse. Ouais. Et c'est rare que l'on retrouve un CD qui est avec la bande dessinée. Normalement, ça se voit pas. C'est la bande dessinée ou un CD, mais toi, t'as jumelé les deux. Pourquoi? Bah, ça existe, en fait, les livres-disques qui rassemblent un livre et un disque, mais souvent, c'est des histoires lues et c'est pas une bande dessinée. C'est ça, exactement. Voilà, oui, donc, oui. Moi, je, au avec départ, la petite clochette pour tourner la page. Voilà. Moi, je me suis inscrite dans cette tradition-là, mais je voulais faire un espèce de Pierre et le Loup moderne. Okay. Alors, j'ai choisi le médium de la bande dessinée parce que ça me permettait de raconter les dialogues, enfin, de mettre en scène les dialogues directement sans narrateur. Voilà. Et à travers tout ça, tu t'adresses uniquement aux enfants ou les adultes trouvent ça en compte? Trouvent ah, leur compte? J'espère que les adultes trouvent leur compte. Leur compte vraiment, avec Tony, on l'a fait pour que tout le monde y trouve son compte. Je pense que les seuls qui ne sont peut-être pas très intéressés par ce bouquin, c'est les ados qui sont fans de leur groupe et tout ça. Ouais, voilà. Ouais, okay. Mais sinon, que ce soit Tony ou moi, on a pensé à se faire plaisir, nous, tout en ayant une connivence avec les enfants. Donc normalement, on peut l'écouter en famille. On peut l'écouter en famille. Ah oui, c'est ça l'objectif. Et puis, à travers tout ça, tu voulais relater une histoire avec une idéologie, tu avais quoi, quelque chose de précis à divulguer à travers cette histoire-là, ou au contraire, c'était récréatif et... J'essaie, je m'efforce d'avoir aucune idéologie et aucune morale. Maintenant, peut-être qu'il y en a quand même une, malgré moi. Mon but, au départ, c'était plutôt de faire un western, comme dans Butch Cassidy et le ah Kid. Oui, okay. Mais alors, c'est pas, ça se voit pas parce que ça se passe aujourd'hui ouais, et dans une ça. Ville. Donc voilà, mais c'est quand même une histoire de cavale, de policiers, etc. Et de liberté et d'amitié. Donc c'est vraiment les thèmes qu'on retrouve dans les westerns classiques. Et je trouvais que ça collait bien avec Tony. Et tranquillement, avec ta formation, tu t'es rapidement centré sur la bande dessinée, au contraire. Tu as essayé plein de visions de ton art. Est-ce que tu t'es rapidement associé à la bande dessinée? Ben, moi, je fais plutôt des livres pour enfants en général, oui, qui ne sont pas forcément sous forme de bande dessinée. Donc souvent, c'est une grande image par page. J'aime bien avoir un langage de bande dessinée, c'est-à-dire que je mets souvent des bulles dans oui, les images exact, et tout ça. Ça ouais. Mais c'est la première fois que je fais vraiment un livre qui n'est que en vignette et en bulles comme ça. OK. Voilà, j'ai déjà utilisé ça de manière plus mélangée, plus hybride, avec des grandes illustrations et du texte narratif d'habitude. Il y avait un beau soleil de printemps. Il y avait dans le centre-ville un bel appartement. Il y avait des hirondelles et leur ventre blanc. Il y avait ce joli couple formé depuis 10 ans. J'espère que tout ceci est assez parlant, qu'on imagine bien le cadre et surtout ce qu'il y a dedans. Il y avait une belle école et deux très beaux enfants. Il y avait juste un crédit, rien de bien méchant. Il y avait des vacances dans le golf du Morbihan. Il y avait pour la rentrée des projets d'agrandissement. Il y avait tous ces jours qui se passaient normalement. Il y avait bien sûr les courses tous les samedis au géant. Il y avait des lunettes au fond de la boîte à gants. Puis il y eut un mercredi, cet étrange événement. Il y avait juste une vie ordinaire. Elle n'avait rien à faire dans les faits divers. Il y avait juste une vie ordinaire. Elle n'avait rien à faire dans les faits divers. Il y avait juste une vie ordinaire, ordinaire. Whitney! Non, Houston! Houston! Whitney! Whitney, Houston! Houston! Houston! Houston! Houston! Nous avons des difficultés. On essaie de rentrer en communication avec l'errance canadienne, puis on s'imagine qu'il y a une coupure. Il y a toujours eu des coupures. Ben, ils s'en viennent. Ils s'en viennent, hein? Les coupures s'en viennent. On sait. On n'aura plus de maudite scène pour faire ça, cette émission-là. On est dans la rue. Hein? Dans la rue? C'est bien la rue, mais pas l'hiver. Tant que l'hiver tardera à passer, quand on le passe à la fenêtre, avec des si et des peut-être, et des vaut mieux pas y penser. L'homme est parti pour travailler, la femme est seule, seule, seule. L'homme est parti pour travailler, la femme est seule à s'ennuyer. Comme l'a mentionné Jim Morrison. Est-ce qu'on l'a la chanson ici? Attendez, on va vérifier. Ça c'est... Avec des si et des peut-être, et des vaut mieux pas y penser. Peut-être la manique, non, c'est pas ça. L'homme est parti pour travailler. L'homme est parti pour travailler. Non, mais on a la manique. Ah, ça, c'est bon, la manique. OK, peut-être la manique tantôt. Comme le mentionné, on va... Oh non, Madame Tremblay! Oui, on va l'entendre. Merci, monsieur. OK. C'est une comédie musicale. Non, c'est pas une comédie musicale. En fait, ce que j'aimerais, c'est que j'entende Georges Dor. Georges Dor, avec quelle chanson? La manique. Écoutez, on va vérifier, là. Nous avons un petit professionnel du disque. On appelle ça quoi? On appelle ça un disquaire. Oui. Qui va nous sortir. Sors-nous-la. Ben, il va nous la sortir. Oh mon Dieu, j'ai hâte. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Ah, y a-tu raison, lui? Non, il y avait. Y avait-tu raison, lui? Oui, il a. Il a raison, lui? Oui, monsieur, il avait. Il avait raison, lui? Hey. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons. L'homme est parti pour travailler. Lâche-moi, là. Poursuivons. L'homme est parti pour travailler. La femme est seule à s'ennuyer. Je me souviens. Ah oui, c'est Gilles Vigneault qui a écrit ça. Oui, peut-être. Quand je vais m'écouter, là... Écoute-toi. OK, je m'écoute. Aïe, aïe, j'ai mal. Mais arrête de t'écouter. Mais c'est vrai, j'ai un spasme. Mais oui, mais c'est ça, tu t'écoutes. Mais tu m'as dit, écoute-moi. Non, j'ai dit, écoute-toi. Mais je m'écoute. Donc, quand je m'écoute, moi, là, je m'écoute. Mais c'est ça, écoute. Mais j'écoute. Aïe, aïe. Oh, j'ai mal. Ben, arrête de t'écouter. Ben, hey, voilà, ouais. Squeezons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure. Allô? Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Moi, ça va très bien. Et toi? Ah, oh, ça va bien. Dédoublement? Dédoublement. En direct. C'est un malade! Non, je me parle. Ça va bien? Ça va très bien. Puis, une belle semaine. Une belle semaine, hein? J'ai rêvé de quoi? J'ai rêvé de nous. De nous. Comment? Là, maintenant, à ce moment précis. T'es chanceux. Je suis très chanceux. T'es un gémeau? Je suis un gémeau. Ascendant crapaud. C'est pour ça que ta petite peau, j'ai une petite peau comme... Hein, tu sens-tu? J'ai une peau... T'as le poil, ou ça, moi, j'ai le poil puis la peau. Quand on me frissonne, on me cajole. Angle à fin de... Comment? Ben, on l'a dit. Embouchure, angle à fin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde-vue le mot ou le verbe. T'as pas vite dit. Non, je l'ai pas dit. Je voulais le dire, là. Mais garde-à-vue, ça sortit comme garde-à-pu, garde-à-mu, garde-à-nu. Garde-à-nu. Alors, ça, c'est inspiré d'un mot de Coralie de la Fouquère. Oh, qui? Coralie de la Fouquère. Ben, ça, de la Fouquère, c'est québécois? Non, c'est pas québécois. Ça, c'est toulousain. Toulousain de la Toulouse. Non, de la saucisse. Ah, c'est bon, de la saucisse toulousaine. Oui, monsieur. Puis, on peut pas... non. Oui, oui. Coralie connaît la saucisse toulousaine. C'est vrai, hein? Elle en mange régulièrement. Elle n'est pas grosse. Non, elle est incroyablement svelte. Pourquoi? Pourquoi? La saucisse est maigre. Oh! Elle fait cuire ça? Dans le bain-marie. Oh! C'est pour ça que lorsque tu croques dans cette saucisse-là, elle est juteuse. Oh mon Dieu! Alors, elle m'a... en parlant de Coralie, là, Coralie vit dans les nuages. Son mari est parti pour Montréal. Rue Sainte-Catherine, rue Saint-Laurent. Il regarde passer les gens. Pan, pan, pan, perdu dans Montréal. Pan, pan, pan. Montagne, c'est un grand succès. Alors, comploter, c'est un mot de Coralie. Comploter. Pourquoi elle t'a dit ce mot-là, comploter? Qu'est-ce qui l'a attiré là-dedans? C'est le mot ploter. Ploter, ben oui, comploter. Ah, oh, tout est supercherie, oui. Ben, pendant plusieurs semaines, là, vous entendrez des phrases de Coralie. Alors, on va examiner si comploter mérite d'être choisi dans le château symbolique de la Ravangavani. Ah, oh, ben là, on le sait. On le sait presque. Non, non. On va l'analyser. Comploter. On va parler entre nous. Ben non, on va pas comploter. Ben oui. Faut parler entre nous, là. Puis, est-ce que ça mérite une bannière aussi effervescente? Oh! Que rentrer dans le château symbolique de la Francophonie. Qui veut rentrer dans le château symbolique de la Francophonie? Tous les mots. Tous les mots. Les mots de tête, les mots d'eau, les mots de rein, les mots divulgués un peu partout, les mots sexuels aussi. Ah, les mots sexuels veulent rentrer. Ah, ils veulent rentrer n'importe où. Oui, oui. Dans le château symbolique de la Fanny. Qu'est-ce que tu dis? Fanny? Fanny qui? Fanny. Ah oui, c'est drôle. Il y a beaucoup de plaisir. Comme tu dis, Fanny, oui. Et Coralie? Coralie est prête à signer de sa propre main, de sa main frêle, émouvante, humide. Oui, elle est très humide lorsqu'elle signe. Parce que lorsqu'on est nerveux, ah, mais moi, là, je sue de la glotte. Oh! Je régurgite de la perlotte, oui. Et je parle assez melotte. Oh, tu parles melotte, je parle melotte. Oh, moi, je parle français. Oh! C'est une nouvelle langue, le français. Non, la melotte. La melotte, oui. Puis Coralie, elle... signe d'une main moite. D'une qui? D'une main moite. Une main moite, oh mon doux. Alors là, elle se demande si comploter mérite le terme, et surtout l'étampe du château symbolique de la francophonie. Oui, t'as de la misère à le dire. Ben oui, mais là, parce que je me suis enfargé. Je me suis acheté une nouvelle prothèse à 99,99 $. Oh, où ça? Chez Dentier Anonyme. Et c'est très anonyme, ça. Ah, plus anonyme que ça, là, c'est mystérieux. Oh, on aime ça le mystère. Surtout Coralie. Coralie, Coralie. C'est Coralie ou Coralie? Coralie. Coralie. Alors, donc, comploter. Le soir, on complote. Le jour, on complote. La nuit, on complote. On parle entre nous. Hein? On parle pour pas que ça s'ébruite. On veut pas que les autres entendent, mais on veut qu'on le sache. Sous la couverture. Hein? C'est comme Naked Lunch, là. William Burroughs, pendant des années, là, hein, on complotait. Ah, il y a une œuvre intéressante. Là. On se faufilait le livre en dessous de la garlotte. Puis on l'ouvrait à des pages exceptionnelles. Puis on s'imaginait le personnage. Là. Puis là, quand c'est interdit, c'est toujours plus intéressant. Coralie a compris ça, elle. Elle complotait dans son appartement des mots pour le place, pour un jour que ce soit placé à Errance Rénaldienne. Ben, c'est même pas vrai, c'est vrai que c'est pas vrai. Mais sur son. Mais je lui ai dit que j'allais utiliser ces termes-là pour extrapoler, pour divaguer. Ça divague-tu? Oh non, non. Ah non, non, c'est le plat total. On peut pas, comment t'appelles ça, non? Surfer là-dessus? On surfe. Oh, oui, on surfe. On surfe vers le bas. Ah, oh, mon Dieu, on sent le haut. On sent le haut monter puis le bas descendre. Ah, c'est tout à fait normal. Et puis là, c'est un complot. Complot planétaire. Quand on nous dit qu'il arrive, là, on l'attend puis on le voit pas. Ils s'en viennent. Ben, ils s'en viennent. On attend ça depuis une demi-heure, 45 minutes qu'on attend. Il n'y a rien qui arrive. On voit même pas une petite lumière. Est-ce qu'il y a une lumière là-bas? Il n'y a même pas de main, pas de lumière. Les nuages, il n'y a personne qui descend. Puis on est prêt. Regardez-moi ça. Je suis prêt à les accueillir. Moi, là, j'ai écrit de ma propre main. Ben, pas propre, là. J'ai comploté quelques stratagèmes pour les accueillir. Puis avoir l'air intelligent, là. Je sais pas comment ça parle, des Elohim. Les gens venus d'ailleurs. Oh, mon Dieu. Quoique Rénal Gagné, il est venu d'ailleurs. Ah, lui, il vient régulièrement. À chaque fois que tu dis Rénal, ah, il vient. Ah, man, il vient, il repart plus, il vient, il reste, il colle. Normalement, excuse-moi, normalement, j'ai un poil dans... On complote derrière ma gorge. Oh, mon Dieu, t'as des chats? J'ai des chats dans les nuages. Moi, c'est dans le gorgoton. Ah, ça t'étire la bouche? Non, ça m'évite de parler. Ben, c'est ça. Ça t'étire la bouche? Ben, non. Quand ça m'étire, ça me fait parler. Quand ça me la bouche, ça me la bouche. OK. Est-ce que ça te... Moi, ça me la débouche. Oh! Alors, tu crois que la stratégie planétaire, là, c'est un complot, là? Ils savent bien des affaires, ils veulent rien nous dire. Là. Ils signent des trucs, là. Puis heureusement qu'il y a des indignés. Des indignés qui s'indignent. Ah, mon Dieu, et d'autres pararénales. Des gens. C'est des gens qui complotent. Qui amènent une autre idée qui ne devrait pas surgir. Ben, c'est ça le complot, là. C'est que personne ne doit le savoir. Puis c'est sous la couverture de l'anonymat. Ah, mais la couverture, c'est chaud en hiver. Ça fait du bien. Coralie, là, sous le chapeau symbolique de la francophonie, on lui place le mot comploter parce qu'on aime ça, nous aussi, comploter entre nous. veux t'adresser aux enfants et non pas aux adultes? Il y a des BDistes, il y a des dessinateurs graphiques. On ne doit pas dire BDistes. Je me suis fait ramener par monsieur qui s'appelle, attends un petit peu, Charles Berberian. Ah oui, je le connais. Il m'a ramené là-dessus. Ah, il te fait dire bonjour parce qu'il te connaît aussi. Ah bah oui, oui, bah oui, c'est normal. Voilà, c'est ça. Et donc, il m'a dit, non, je ne suis pas un BDiste, parce que chez nous, au Québec, on dit BDiste. Ah oui. C'est un... non, ben oui, on dit ça. Vous, c'est scénariste-illustrateur. Ben, c'est soit scénariste, soit dessinateur. Mais lui fait les deux. Et soit les deux. Mais toi, tu fais les deux aussi. Moi, je fais les deux aussi, oui. Mais BDiste, est-ce que tu vois un problème là, lorsque je te dis que tu es BDiste? Ou... Ah non, moi, ça me... Est-ce que bien, on ne m'a jamais dit ça. Est-ce que tu savais que ça existait, un BDiste? Le terme, non, je ne savais pas. Ah oui, au Québec, c'est des BDistes. Ah, oui. C'est des gens qui font des bandes dessinées, autant les bulles que les dessins. Ah oui, d'accord. Ouais. Et oui, c'est ça. Donc, pourquoi tu t'adresses aux enfants? Pourquoi tu voulais... Je sais pas trop. Moi, j'aime bien ça, déjà, pour moi, les livres pour enfants. Enfin, pas tout, hein. Il y a plein de choses horribles que je déteste, mais... Horribles dans quel sens? Bah, bébêtes, moches et... Qui ne servent à rien. Pédagogiques et... OK, voilà. Toi, tu veux qui pas être pédagogique. Qui servent trop. Moi, je veux pas être pédagogique. Tu veux pas... Pourquoi? C'est pas mon métier. Moi, je veux raconter des histoires... qui touchent les enfants, qui racontent des vraies choses humaines profondes et qui fassent marrer. Mais j'ai envie de poser des questions plutôt que donner des réponses. As-tu décidé d'écrire pour les enfants le jour où tu as eu un enfant? Mais non, justement. OK. J'ai commencé... Alors, tu as un enfant. J'ai deux enfants. Deux enfants, OK. Et j'ai commencé, combien de temps avant d'avoir des enfants? 5 ou 6 ans avant. Enfin, vraiment, c'était complètement différent. J'ai toujours eu envie de faire ça, je sais pas, mais je suis un peu entre deux, moi, hein. Les gens qui aiment bien les livres pour enfants, ils trouvent que j'ai pas assez pour enfants, et les gens qui aiment les trucs pour adultes trouvent que c'est pas assez adulte, mais moi j'aime bien l'ambiguïté, alors voilà, j'essaie de trouver ma place mieux tout ça. Est-ce que tu te considères un peu plus dans le monde des enfants ou des adultes, en dehors de ton travail? Est-ce que tu vois la vie d'une manière... Oh, oui. Ben, ouais, je me sens dans le monde des adultes, mais vraiment en connivence avec les enfants. Est-ce que ton cerveau fonctionne sur les deux modes? C'est-à-dire que tu regardes une réalité, oh, ben ça serait bien pour une bande dessinée. Dans les deux modes, enfant et adulte? Oui, exactement. Je pense que, en fait, tous les âges que j'ai eus, ils sont contenus en moi. Et que tu auras. Et que j'y ai accès. OK. Voilà, donc... Alors, tu vois la réalité, mais en même temps, tu peux la décrypter autrement d'une vision enfantine. Oui, je pense. Il y a quelque chose comme ça. J'ai un peu parfois un humour d'enfant de 3 ans. OK. Et parfois, c'est-à-dire... parfois des préoccupations d'adulte. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, je ne peux pas trop traduire, en fait. C'est des choses que je raconte dans des dessins ou des histoires, mais c'est pas tellement explicable. Mais tu te sens bien avec le fait, à l'origine, de faire des dessins pour enfants sans en avoir eu. Alors, sur qui tu pouvais vérifier ton matériel? Je vérifie pas. Je fais sur moi, c'est tout. Bah, si toi, ça me faisait... Moi, je suis pas un enfant, c'est okay. Vrai. Bah, c'est... Ouais, c'est bizarre. Alors, c'est juste à partir de toi. Il n'y a pas d'explication. C'est simplement à partir de toi. Tu te dis, moi, si ça me plaît, et si je me place à la place d'un enfant, lui aussi va comprendre, va saisir, ouais. Va aimer la... Je pense jamais à mon public, je pense qu'à moi. Mais là, déjà là, ouais. L'enfant, la bande dessinée peut s'adresser au 0-3, au 3-7. Super sauvage, là? Non, mais ou je en donne... général, la bande dessinée. Oui, en général, quand tu commences une œuvre, tu dis, bon, ben là, je vais m'adresser aux enfants de 0 à 3. Pas forcément, c'est pas très précis au départ. Je commence à dessiner, à écrire, et puis après je vois le genre de rythme de l'histoire, le nombre de pages, et puis je me dis, ah oui, tiens, ça c'est plutôt pour les bébés, non, là c'est un peu long, donc ça va être pour les un peu plus grands. Bébé, c'est? Bébé, c'est 0-3 ans. OK. Ouais. OK. Avant alors... l'école. OK. J'ai tout dit, tout dit, j'ai terminé ma phrase, tout dit, j'ai tout dit, tout dit, c'est gravé dans le marbre, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, sœur, tout dit, tu veux que l'on se parle, tout dit, oh, ma sœur, il te garde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit, j'ai tout dit, j'ai fui à la hussarde, tout dit, j'ai tout dit, et les rats m'ont suivi, tout dit. Do-dee, eh, do-dee, si, do-dee, ma, do-dee, so, do-dee, do-dee. Tu as peur pour ma vie, do-dee. Oh, ma soeur, il ne garde, do-dee, do-dee, do-dee. Je, do-dee, suis, do-dee, le, do-dee, bruit, do-dee, do-dee. De la pluie dans les arbres, do-dee, do-dee, do-dee. J'ai, do-dee, tout. J'ai rompu le charme, tout dit, tout dit, tout dit, j'ai tout dit. Maintenant je vous regarde, tout dit, tout dit, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ah, tout dit, ça, tout dit, tout dit, tu veux sécher mes larmes, tout dit, oh, ma soeur, il te garde, tout dit, tout dit, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, du vent dans les arbres, tout dit, tout dit, tout dit, eh, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tout dit, tu donnes un jour ton cœur, tout dit, oh, ma sœur, prends garde, tout dit, tout dit, tout dit, ne, tout dit, dit, tout dit, pas, tout dit, tout, tout dit, tout dit, où tu mourras d'ennui. Si tu savais comme on s'ennuie à la manie, tu m'écrirais bien plus souvent à la manie, couragon. Parfois je pense à toi si fort, je regrette ton âme et ton corps, je te regarde et mes merveilles, je me prolonge en toi, comme le fleuve dans la mer, et la fleur dans l'abeille. Que devienne quand je suis pas là, mon bel amour, ton front doux comme fine soie et tes yeux de velours. Te tournes-tu vers la côte nord pour voir un peu, pour voir encore ma main qui te fait signe d'attendre. Soir et matin, je tends les bras, je te rejoins où que tu sois et je te garde. Dis-moi ce qui se passe à Trois-Rivières et à Québec, là où la vie a tant à faire et tout ce qu'on fait avec. Dis-moi ce qui se passe à Montréal, dans les rues sales et transversales où tu es toujours la plus belle, car la laideur ne t'atteint pas, toi que j'aimerais jusqu'au trépas. Nous autres on fait les fanfarons à cœur de jour, mais on est tous des bons larrons cloués à leurs amours. Il y en a qui jouent de la guitare, d'autres qui jouent de l'accordéon pour passer le temps quand il est trop long. Mais moi je joue de mes amours et je danse en disant ton nom, tellement je t'aime. Si tu savais comme on s'ennuie à la manie, tu m'écrirais bien plus souvent à la manie, couagon. Si t'as pas grand chose à me dire, écris 100 fois les mots je t'aime, ça fera le plus beau des poèmes. je le lirai 100 fois. 100 fois, 100 fois, c'est pas beaucoup pour ceux qui savent. Si tu savais comme on s'ennuie à la manie, tu m'écrirais bien plus souvent à la manie, quoi donc. Oui, monsieur, Errance Renaldine, c'est la grande rigolade. Oh, on rigole, on rit, on rit, on rigole, comme l'eau qui jaillit, non, qui descend vers la rigole. Arriton dans la queue, tripotant des dents, rigolant dans la queue et tripotant des dents. En écoutant cette chanson-là de Georges Dor, je me disais que hier, une cliente m'est apparue, une cliente que je vois pas souvent. Elle avait les yeux vitreux, et ce n'est pas les yeux vitreux d'une femme alcoolisée ou droguée, mais une femme qui avait un grand trouble, une tristesse. Elle me demande la clé des toilettes, je lui remets, elle revient. Et là, je lui dis, parce que je pouvais pas laisser ça comme ça, je lui demande, ça va bien? Elle m'a dit, non, pas vraiment. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous, là, il y avait à peu près... Je travaille dans un établissement où on peut s'acheter des produits, là, n'importe quel produit. Quelle sorte de produit? Des produits, comment ça? Les gens ont le droit de s'acheter des choses, oui. Dans une épicerie. OK, une épicerie. Mais on vend pas d'épices. Oh! Les épices se vendent à l'extérieur. OK. Qui se fume? Je ne sais pas. Je ne vais pas le savoir, là. Mais moi, c'est une épicerie. OK. Puis là, il y avait plein de personnes à la caisse qui attendaient parce que c'est le vendredi. Nous, on reçoit notre paye le jeudi. Nous, les Québécois moyens. Plus que moyens? Pas le bien-être trop social, oui. Le bien-être trop social, eux, c'est le premier de chaque mois. Ils reçoivent un chèque que tous les travailleurs ont amassé pour eux. Parce qu'ils en ont besoin. Et donc, mais le jeudi, c'est les travailleurs. Et cette dame-là avait les yeux vitreux et je lui demande, je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Je lui ai demandé, qu'est-ce que vous avez? Elle me mentionne que sa mère était à l'hôpital depuis 5 heures. Elle avait appelé l'ambulance elle-même, cette dame. Et elle livre les journaux, donc elle s'est fait remplacer... parce qu'on l'a appelée, une infirmière l'a appelée pour lui dire que sa mère allait mourir dans les minutes qui suivent et qu'elle devait se rendre rapidement à l'hôpital. Et donc, à l'heure où je vous parle, sa mère est décédée. Je ne pouvais pas non plus laisser ça comme ça. Je sentais en elle un profond chagrin. Et elle ne pouvait même pas me dire que sa mère était morte. Elle s'est mise à sangloter. Et il y avait quand même plusieurs personnes à la caisse et j'ai dû faire un arrêt juste pour lui demander ce qui se passait. Et après ça, j'ai continué mon boulot comme si rien n'était. Et c'est pour vous dire que même si ça semble facile, pour certains, le travail de caissier, c'est abominable. C'est-à-dire que tu balances le prix puis tu vas pas plus loin. Moi, même si je me dis un peu misanthrope en dehors de mon travail, il reste qu'il y a des individus pour qui j'ai une affection particulière. Et surtout, je suis touché par les gens plus âgés. Et la détresse humaine m'amène souvent à m'arrêter et à discuter avec les gens qui sont en eau trouble. Oh, mon, c'est beau. C'est très beau, merci. Hey, bon. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Oh, deux morceaux de robot, c'était vraiment... On a presque pleuré. Vous êtes endormi, on a tremblé. Ah, moi, j'étais sur le seuil... De la pauvreté. Ben oui, de la pauvreté du sommeil. Oh, alors vous dormez pas? Ben, je veux bien. Et puis? Je veux. Allez-y. Ben, c'est pas parce que je veux que je peux. Oh, c'est pas parce que vous voulez que vous pouvez. Ben non, j'aimerais bien. Ben allez-y. Ah, je peux pas. Bon, OK. Fâchez-vous, madame. Le moment s'est vite à nous pour un élan rénadien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir. Oh! Les cheveux. Allons séchoir les cheveux vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. La beauté s'installe dans l'œil apprivoisé de l'observateur. Aucun moteur visuel ne démarre sans la contemplation et le silence avant même le début de l'émotion. Hey, c'était comme ça tout à l'heure, quand tu rappelais là, la dame, les pleurs, sa mère. Mais les pas les cartes, madame Thibodeau. Non, non, les pleurs, les cartes, les... Non, les cartes. Les cartes, les pleurs. Hey, ils s'en viennent. Ils s'en viennent. Ils s'en viennent pour nous ce soir, nous apporter de bien belles choses. Allô? Gaétane? Gaétane? Hey, ils s'en viennent. Ben oui, ils sont là, là. Je croyais pas que c'était l'instant propice. À... Crois-tu que ça existe, là, dans Star Trek, on nous disait qu'on pouvait se télétransporter, là, c'est le moment, je crois. Arrête le moment. Là, c'est le papa. C'est le papa, c'est lui. On se retrouvera pas la semaine prochaine. Ben voyons, on sait pas. Ah oui, on le sait maintenant. Hey, c'est une lumière. Oui. Puis moi, j'en suis pas une. Pas une lumière? Non, non, moi, je suis pas très éclairé. Ah, ça, c'est vrai. On te l'avait mentionné la semaine dernière que t'étais comme dans une petite phase obscure. Très obscure. Comme le cœur. Le cœur obscur. Non, c'est le cœur flip. Oh, man. Hey, ils s'en viennent. Mais non, ils sont là. Hein? We'll be right back. beaucoup de dessins, très peu de dialogues. Ouais. Une petite phrase clé pour raconter. Bah, juste une très grande lisibilité, voilà. Et mais il ne faut pas que ce soit trop long. Est-ce que tu essaies que tes phrases... Travailles-tu sur la métaphore des phrases pour qu'il y ait plusieurs connotations, pour que ce soit rigolo, pour que ce soit... que ça réponde au dessin ou que ça commente le dessin ou que ça englobe le dessin, comment... Ben, j'essaie que ça ne raconte pas la même chose que le dessin, parce que si je dis pareil avec le texte et le dessin, ce serait moins intéressant. Donc j'essaie d'avoir justement une tension entre les deux et de raconter le plus de choses possible avec le moins de mots possible et le moins de traits possible. Et dans un français un peu plus élément, est-ce que tu fonctionnes du fait que ça doit être compris par un enfant, donc tu essaies de minimiser la complexité de la langue ou... Bah, je me force pas, en fait. Je sais pas trop comment expliquer comment ça se passe. Je me mets dans cet état d'esprit de truc pour petit, et du coup, j'écris directement comme ça. Je simplifie pas a posteriori mon texte, quoi. Je le fais directement, je fais une petite maquette en papier, je fais comme un tout petit carnet de la taille d'un timbre, et alors j'écris mon histoire là-dedans, je fais des dessins miniatures comme sur un timbre, et puis après, je Pourquoi relis... Pourquoi miniature? Bah, parce que si je le fais en grand... Je m'intéresse trop à mon dessin. Ah, tu perds l'intérêt. Du coup, je perds le fil de l'ensemble. Alors déjà, mon histoire est moins bien. Et en plus, après, quand il faudra faire vraiment les dessins du livre, bah, je serai désintéressée vu que je les ai déjà faits dans la maquette. Ah. Donc c'est pour ça que je fais très petit. Comme ça, je suis vraiment vachement concentrée sur l'histoire, le rythme et tout, pour que ce soit marrant. Et ensuite, je fais les dessins plus grands. Alors, tu vises l'humour avant tout. Ouais. Enfin, c'est pas, disons que l'humour, c'est pas le sujet, mais je trouve que tout est mieux quand c'est marrant. Et ça vient tout seul, c'est-à-dire que tu te dis rarement « je vais faire quelque chose de drôle », ça devient drôle parce que ta vision est rigolote. Mais ça vient pas tout seul, il y a des jours où ça marche pas. Ok, c'était un flop. Tu dis « bon, ben là, j'ai visé l'humour », puis là, tu regardes le lendemain, « ouais, mais c'est pas si drôle que ça ». Voilà, exactement. Okay. Et parfois, ça reste. Okay. Ça dépend. Mais ceux que tu trouves plus ou moins drôles, est-ce que tu les vois peut-être s'en aller vers les adultes? C'est-à-dire que tu peux éventuellement te dire « Je vais faire un livre ou un ouvrage consacré aux adultes et ça va s'en aller là? » Je ne l'ai pas encore vraiment fait. Enfin, j'ai fait des livres pour les enfants plus grands, mais pas encore les adultes. Plus grand, c'est quel âge? 8-10 ans, un petit roman. Mais moi, ce que j'ai là ici, c'est de quel âge? Le livre disque, c'est à peu près... Ben, c'est familial, comme tu m'as dit. À partir de 5-6 ans jusque vers 10 ans, je pense. Okay. C'est-à-dire... maternelle, primaire, alors ça dépend des enfants après, parce que ça dure 40 minutes, donc les tout petits, il y en a qui sont plus ou moins concentrés. Avec la musique, avec la musique, ça dure 40 minutes. Est-ce que j'écoute le disque en regardant la BD? Ben, on peut soit écouter le disque sans regarder, soit lire le livre sans écouter, soit faire les deux ensemble. Parce que tout le texte qu'on entend sur le disque, texte et musique, est repris dans le livre. Mais c'est pas de la musique enfantine, c'est du rock. Non. Ah oui, c'est vraiment du rock. C'est du Tony Truant. Ouais, c'est du pur Tony Truant avec mes mots. OK. Et ça fonctionne ensemble. Mais même dans son disque L'œil américain, il y avait une chanson qui était un peu enfantine. Mais Tony, il a vraiment un esprit très enfantin. Il adore les enfants lui sautent dessus. Il adore aussi, toujours. C'est une bande dessinée. Ouais. Tony Truant, c'est une bande dessinée. C'est vraiment lui qui m'a inspiré ça, quoi, puisqu'il est drôle. Mais comment tu l'as connu? Eh bien, c'est une amie qui m'a donné son numéro de téléphone, sachant que je cherchais un prof de ukulélé. Et voilà. Je l'ai appelé, je suis allée prendre des cours avec lui pendant un an avant de lui proposer ce projet. Mais pourquoi tu voulais t'abandonner au ukulélé? Parce que j'ai vu un concert du Ukulélé Club de Paris. OK. Et je sais pas pourquoi, je suis tombée en extase devant cette de bande de garçons et filles qui jouaient du ukulélé. Ça m'a donné envie alors que moi j'avais rejeté la musique de ma vie depuis plus de 20 ans. Pourquoi? OK, tu avais le goût à l'époque d'enfant. Quand j'étais petite, je jouais du violon pendant 8 ans. Violon classique? Violon classique, orchestre, une heure par jour. On t'obligeait, on t'imposait. Non, c'est moi qui ai voulu en plus au début. Après, disons, on m'a obligée à persévérer, mais on m'a pas forcée au départ. Mais c'était très sérieux et tout. Puis j'ai arrêté quand j'ai eu 14 ans. Je me suis mise au dessin et à la peinture. OK. J'écoutais plus du tout de musique pendant des années. Et ça m'a repris, je sais pas pourquoi, à ce concert. I said, I ecstasy, ain't no damn. À Errance Rénaldienne. Merci de m'avoir écouté. La semaine prochaine, on se retrouve, si vous voulez bien, ici, si on peut. Si on peut. Mais si on peut, on veut. Si on veut, on peut. On peut, on veut. On veut, on veut. Oui, mais Dieu, on y va. On est en effort, on est en effort. Je suis dans la rue, je cherche la sortie. Tout seul dans la rue, où est la sortie? Une rue, un boulevard, un square, une avenue. Je marche dans la rue, tout seul dans la rue. Malaise traîne par terre, je suis plein de poussière. Je trouve pas mon chemin, ça sent la misère. Y a plein de voitures, du bruit, des ordures. Je traîne dans la rue, tout seul dans la rue. Recherche Pipo, petit chien blanc très très chou. Merci d'appeler au numéro ci-dessous. Recherche Pipo, petit chien blanc très très chou. Merci d'appeler au numéro ci-dessous. Partout sur les arbres, partout sur les murs, je vois cette affiche à chaque coin de rue. Sur les palissades, les grilles, les portails, je vois ce papier partout dans le quartier. Recherche Pipo, petit chien blanc très très chou. Merci d'appeler au numéro ci-dessous. Recherche Pipo, petit chien blanc très très chou. Merci d'appeler au numéro ci-dessous. Je suis dans la rue, je cherche la sortie. Tout seul dans la rue, où est la sortie? Une rue, un boulevard, un square, une avenue. Je marche dans la rue, tout seul dans la rue. Recherche Pipo, petit chien blanc très très chou. Merci d'appeler au numéro ci-dessous. Recherche Pipo, petit chien blanc très très chou. Merci d'appeler au numéro ci-dessous. Alors, petit, on a perdu sa maman? C'est toi, sur l'affiche? Laissez-moi. Tiens, il a peur. T'as vu, on dirait un doudou. Au secours! Attends, je lis. Recherche Pipo, bichon blanc disparu ce matin. Si vous le trouvez, merci d'appeler Miss Smith au numéro ci-dessous. On lui téléphone, à ta Smith? Barrez-vous les mecs, allez, plus vite que ça. Attila? Moi aussi, je veux m'en aller. Le chien, tu bouges pas. Mais vous êtes qui? Et là, t'as appris le ukulélé? Ouais. Tu as formé un groupe? Parce j'ai... que t'es dans non, un... Non, j'ai pas formé de groupe. En fait, j'ai participé à des soirées tous les mois. Ou alors, il y a une scène ouverte, donc on a la possibilité de chanter une chanson en public chaque mois. Donc ça, c'est vachement stimulant parce que ça donne un but pour préparer des choses. Et en fonction des rencontres qu'on fait dans ces soirées, après, on se dit, bah tiens, on va préparer une chanson ensemble. Donc c'est comme ça que je me suis mise à jouer avec ceux qu'on entend sur le disque. Ok. Qui sont devenus des copains avec qui on fait souvent des chansons. Mais on n'est pas un groupe, en fait. Ok. On aime jouer ensemble. C'est mais allez-vous faire une tournée avec ce disque-là? Mais on est en train de préparer ça, oui. Okay. Justement, c'est la nouveauté de cette semaine. On a un tourneur qui nous a contactés. Mais là, allez-vous faire un chien gigantesque qui va se promener sur scène? Je pense pas. Okay. On est en train de réfléchir. Mais tu veux que ce soit pour adultes aussi? Bah, c'est-à-dire que les enfants vont pas venir tout seuls, donc je voudrais que tout le monde soit content. Et... Alors il faut pas que ce soit trop enfantin. Non, non. On va faire un truc pas trop réaliste, mais évocateur des ambiances, mais qui soit. Pour que l'adulte s'amuse énormément. Voilà, que l'adulte s'amuse, que ce soit pas cucu, mais que les enfants puissent quand même bien suivre l'histoire. Voilà, que tout le monde en profite. Et ce sera l'intégrale du disque? Oui, oui, oui, a priori. Mais sans personnage. C'est-à-dire, on va pas faire des marionnettes en arrière-plan, on va pas nous se mettre des déguisements de nounours. Okay. Maintenant, on est en train d'y penser, donc je sais pas exactement comment on va le faire, mais il faut qu'on trouve un... Ça sera pas du Chantal Goya? Non. Ok, tu me dis. Voilà, précisons. Donc, tu es sorti des Beaux-Arts. Des Arts Déco. Des Arts Déco, pardonnez-moi, et tu t'es intéressé au dessin. Donc, oui. Tu as travaillé sur les dessins et tranquillement, les enfants se sont joints à ton imaginaire, aussi facilement que ça. Je pense que c'est même pas venu après l'école, hein, mon goût pour les livres pour enfants. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours aimé ça, je m'en suis toujours acheté pour moi, même quand j'avais même 18 adulte. Ans. Ouais, mais ouais. Qu'est-ce qui t'intéressait? Bah, c'est un domaine où il y a des trucs très bien qui sont... Je veux dire, qui sont littéraires, qui sont de la peinture, dans les bons livres pour enfants. Littéraire, tu veux dire que ça... Je veux dire, au point de vue qualité, il y a des trucs absolument géniaux que souvent les gens connaissent pas parce qu'ils se disent c'est pour enfants, c'est pas pour moi. Mais moi, j'y trouve mon compte comme adulte dans certaines choses, hein, bien sûr. Okay. Je sais pas, je pense aux livres d'Agnès de Sarthe, d'Anaïs Vaugelas, de Grégoire Solotarev, de Nadja, de Alain Le Saux. Voilà, moi, tu t'associes à ce groupe-là. Moi, ouais, c'est cette famille d'auteurs que j'adore et qui me donne envie de faire ce métier. Et qui te font grandir. Tu te dis, il y a pas, c'est quelque chose d'intéressant. Ah, ouais. Grâce à eux, grâce à toi. Mais Grégoire Solotareff, c'est mon maître en la matière. Oh, okay. En fait, quand j'étais aux Arts Déco, comme j'étais fan de ses livres, je m'en achetais tout le temps, je lui ai écrit comme ça chez son éditeur et il m'a rappelé. Donc, je suis allée lui montrer mes dessins. Et pendant plusieurs années, je venais le voir de temps en temps à son atelier et je lui montrais ce que je faisais, il me critiquait, il m'aidait à travailler, donc ça m'a vraiment formée. Et ça t'a stimulée? Ah bah ouais, vachement. De voir quelqu'un qui croyait en toi? Bah, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien du point de vue du travail et qui est très stimulant, ça me donne envie de faire des choses, tout comme Tony l'est pour moi par rapport à la musique. Mais tu veux pas faire comme ton maître, tu veux au contraire faire cavalier seul, avoir ton propre imaginaire, avoir tes propres personnages. C'est ça? Bah, je peux pas faire pareil. De toute façon, je suis trop individualiste et puis je suis pas la même personne. Donc, ça donne autre chose. Est-ce que tes personnages que tu crées reviennent ou si, malheureusement, s'arrêtent avec la fin du livre? As-tu des personnages récurrents? Là, dans Super Sauvage, pour l'instant, il n'y a que Super Sauvage qui reprennent ses personnages et le blog. Sinon, il y a des livres pour les tout-petits que j'ai fait avec des personnages qui reviennent. Coco? C'est Coco, l'éléphant. Oui. Voilà. Donc là, il y en a, je ne sais même pas combien j'en ai fait, une quinzaine. Est-ce qu'il va revenir, Coco? Ah ben, il y a un coloriage qui sort bientôt. Okay. Un coco-loriage. Un coco-loriage, oui, pour les becs, c'est bien. Super grand à peindre. Je suis là, la vie n'est pas un drame. Prenez-moi dans vos bras, Miss Miss, séchez vos larmes. Et Pipo, alors, je ne veux pas qu'il reste seul dehors. Enfin la forêt, je ne vais pas renoncer, laissez-moi y aller. Vraiment sûr? Tu n'as plus besoin de ta laisse alors. Adieu, Miss. Adieu, Attila. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.